impossible. Ne prends pas pour la cible de tes ennuis. Je ne suis pas responsable si tu n'es qu'un grain de sable. Don't know.